Chapitre 35e. Hermine de Vaillac. Dutilleul devait bien l'admettre, quelque chose ne tournait vraiment pas rond dans cette affaire de scooter. Brosset avait très certainement levé un lièvre. Visiblement, on avait cherché à éloigner Malik Boucharib de la cité, mais à quelle fin? Le prétexte était cousu de fil blanc, et Dutilleul n'y croyait qu'à moitié. L'autre question, lancinante, était de savoir ce que Marion venait faire dans tout ça. S'il s'en tenait au récit de Malik Boucharif, Marion n'avait eu aucun contact avec la cité. L'histoire était demeurée apparemment secrète, même si Dutilleul en doutait fortement. Plus il avançait dans l'enquête, plus il était persuadé que quelqu'un devait bien savoir quelque chose. D'abord Brahim, parce que Malik lui confiait tout. C'était déjà le cas quand il était enfant. Brahim détenait souvent le fin mot de l'histoire. Il parvenait toujours, sans même se fâcher, à apprendre la vérité de la bouche de ce petit frère qu'il tenait à l'œil. Castex pouvait avoir raison. Il lui fallait bel et bien creuser du côté des Boucharif. Il lui fallait entendre Brahim, même si celui-ci s'était rangé des voitures et menait à présent une existence paisible à la sortie de Marseille. Il tenait un petit magasin qui réalisait des travaux de reprographie. Dutilleul savait par les divers contacts qu'il avait sur place qu'il s'en sortait plutôt bien. L'affaire était claire. Il s'était mis en ménage avec une fille du pays qui lui avait donné 2 enfants. Cela faisait environ 6 ans que l'on n'entendait plus parler de lui, et c'était aussi bien car l'homme s'était montré assez violent dans le passé. Dutilleul, qui l'avait eu en face de lui dans des moments délicats, ne tenait guère à s'exposer à nouveau. Ramener à la raison un Brahim Boucharif échauffé était un exercice délicat. Seule une grande maîtrise des situations de crise évitait que les incidents multiples et variés s'achèvent sans trop de bobos. Combien de fois Dutilleul avait-il rattrapé Brahim par les cheveux avant que celui-ci ne commette bêtement l'irrémédiable? Il préférait ne pas compter, et n'en avait d'ailleurs aucune envie. Au fil des années et des contacts, un certain respect s'était établi. Brahim avait fait passer le mot dans la cité que Dutilleul était réglo. Quand il était calme, Brahim Boucharif n'était vraiment pas le méchant garçon. Il s'exprimait assez correctement, malgré une instruction des plus sommaires. Il était serviable et ne revenait jamais sur sa parole. Seulement, il ne supportait pas l'injustice et était assez susceptible. Un regard de travers le transformait instantanément en furie. La moutarde lui montait très, trop, vite au nez. Au commissariat, beaucoup en avaient peur, ce qui n'était pas le cas de Dutilleul. Pourquoi? Tout d'abord parce qu'il le dominait d'une bonne tête et même s'il n'était pas très épais, cela comptait. Ensuite, il lui parlait comme un égal et non comme un petit délinquant au casier déjà lourdement chargé. Le fait de parler normalement, sans hausser le ton, avait un effet calmant qui finissait toujours par opérer. Brahim Boucharif reprenait peu à peu ses esprits et la discussion pouvait alors s'engager. Dutilleul n'avait jamais eu de problème avec les caïds de la cité. Il avait mené en personne nombre de perquisitions durant lesquelles il trouvait souvent tout et n'importe quoi. Il avait dû procéder à des arrestations, mais tout se passait dans les règles. Dans ce genre d'opération, il ne se faisait accompagner que par des hommes expérimentés dont il était absolument sûr. Il ne voulait pas de jeunes, ni d'excités. Sa tête n'avait jamais été mise à prix, car les droits fondamentaux étaient toujours strictement respectés. Il s'était toujours gardé de provoquer qui que ce soit, et aucun incident malheureux n'avait jamais été à déplorer. Hélas, tout le monde n'agissait pas comme lui. Quand il s'en revint au commissariat, Dutilleul sentit qu'il avait besoin d'une pause. Celle-ci prit l'apparence d'une dame très chic. Elle patientait dans le couloir et Dutilleul choisit de la recevoir. La première réflexion qu'il se fit quand elle s'assit, c'est qu'elle avait dû être très belle dans sa jeunesse. La ligne était demeurée irréprochable et elle dégageait une grande distinction. Les yeux, sombres, étaient vifs et pénétrants, sans doute très intimidants. Dutilleul ne fut pas loin à comprendre qu'il avait certainement en face de lui une directrice quelconque. Elle en avait toute l'autorité. Cependant, Dutilleul était bien embêté car il ne voyait pas bien pourquoi elle venait le voir. Il la fit pénétrer dans son bureau et la débarrassa d'un manteau très lourd. Heureusement, une fois assise, Sa visiteuse ne fut pas longue à en venir au but de sa présence. « Bonjour, monsieur le commissaire. Je sais que ma visite va vous surprendre, mais j'ai appris que vous vous êtes très longuement entretenu avec mon ami Josette Roset. Avant de commencer cet entretien, à qui ai-je l'honneur ?» demanda Dutilleul un peu confus. « Pardonnez-moi. Je m'appelle Hermine de Vaillac. Mon nom ne vous dira sans doute rien, mais je dirigeais dans le temps une petite agence de mannequins qui jouissait d'une assez bonne réputation sur la place de Paris. » Dutilleul ne voyait toujours pas, même s'il avait vaguement souvenance d'avoir entendu prononcer un nom similaire. Intrigué, il laissa son interlocutrice poursuivre. « J'ai eu la chance de repérer avant tout le monde celle qui allait bientôt devenir Marie Chardy. » Dutilleul fit enfin le lien. « Marie, la campagne publicitaire pour le parfum. » Soudain, il fut heureux que cette dame ait poussé la porte. « Ainsi donc, vous l'avez connue ?»« Oh oui, assez bien. Pas autant que Josette Roset, mais tout de même. J'aimais tellement Marie. Avec elle, tout était si simple. » Quand Jean-François, le photographe de l'agence, m'a montré le cliché fait sur le pont des Arts, j'ai tout de suite su qu'elle conviendrait pour la campagne de Fiorissime. Bien sûr, au début, j'ignorais complètement qu'elle était une enfant abandonnée, mais il s'est avéré par la suite que cela n'avait aucune importance. Elle n'était salie en rien, bien au contraire. Elle était 100 fois mieux élevée que bon nombre de filles que j'avais alors sous contrat. Avec elle, pas besoin de retouches. Elle était tout simplement parfaite. Elle prenait très bien la lumière. Pourtant, elle était une débutante dans le métier, mais les prises de vue ont pu être réalisées sur un seul week-end, ce qui est toujours un gain de temps appréciable. L'équipe est revenue enchantée de la séance. Tout s'était merveilleusement déroulé dans une ambiance bon enfant. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais vraiment impatiente de voir les premiers développements. Je pressentais que quelque chose d'incroyable était sur le point de se produire, et la suite des événements m'a montré que je ne m'étais pas trompé. Les clichés étaient sublimes, tous plus réussis les uns que les autres. J'ai eu beaucoup de mal à opérer une sélection pour notre client, mais j'ai dû assez bien me débrouiller car celui-ci a été immédiatement conquis. Tout ensuite s'est enchaîné très vite. Comme Marie n'était pas majeure, j'exigeais de rencontrer un garant afin de discuter les termes du contrat. C'est ainsi que j'ai rencontré Josette Roset. Nous avons immédiatement sympathisé. Elle m'a raconté l'étrange histoire de Marie et je ne pouvais que partager son étonnement. Marie était si belle. Qui donc avait pu s'en débarrasser? En attendant de le savoir un jour, je l'ai félicitée pour le travail accompli. Après qu'elle m'ait quitté, je n'ai pu faire autrement que de me sentir très concerné à mon tour. Quelque part, je ne voulais pas que les efforts de Josette Roset soient ruinés à cause d'un indélicat. Ce n'est pas à vous que j'apprendrai que les gens qui gravitent autour de notre milieu professionnel peuvent parfois avoir des comportements très limites. Comme je suis bien obligé de faire avec, je dois me montrer extrêmement vigilante. J'ai particulièrement à l'œil certains photographes peu scrupuleux. Avec Marie, il n'était pas question de prendre le moindre risque. Elle ne se rendait jamais seule à une séance de pose, car c'est là, bien souvent, que se produisent les dérapages. J'ai senti tout de suite que Marie était encore très innocente sur certaines choses. Elle n'avait même pas connu de vrai flirt, aussi son encadrement n'en a-t-il été que plus sévère. Comment prenait-elle la chose? Très bien. Elle était vraiment reconnaissante, car au fond, je crois qu'elle avait un peu peur. Elle n'était pas timide, ça non, mais elle était toujours un peu sur la réserve. Elle écoutait beaucoup, ce qui était rare à son âge. Elle avait si peur de mal faire, de se tromper. Par bien des côtés, elle était touchante. Je suis sûr que c'est cet aspect de sa personnalité, en plus de son incroyable beauté, qui a plu à notre client. Elle était un mélange subtil de fraîcheur, de fragilité et de douceur. Je ne l'ai jamais vue montrer la moindre humeur. Elle était comblée. En plus, c'était une jeune fille saine, avec des habitudes saines. Jamais de cigarettes, de drogue ou d'alcool. Je n'ai jamais jugé nécessaire de vérifier ses affaires, c'est vous dire combien j'avais confiance en elle. Je dois dire qu'elle ne m'a jamais déçu. Aucune vilaine histoire n'a jamais circulé sur son compte. Chose plus rare, les autres filles l'adoraient. Naturellement, après le succès de Fiorissime, elle a été très demandée parce que sa réputation n'a pas tardé à se répandre dans le milieu. Tout le monde voulait travailler avec elle. On savait qu'elle était sérieuse et ponctuelle, mais ce qui m'a plu au-delà de tout, c'est qu'elle continuait à me demander des conseils. Elle ne se laissait pas monter la tête facilement. Quand les contrats se sont multipliés, elle m'a demandé le plus sérieusement du monde ce qu'elle devait faire de tout cet argent. Elle avait vraiment la tête sur les épaules. Elle était consciente que sa carrière ne durerait qu'un temps. Elle voyait tant de filles sur le déclin. J'ai pressenti qu'elle ne ferait pas ce métier très longtemps. Mais cela me convenait très bien. Vous comprenez, je ne voulais pas qu'on l'abîme. Elle ne le méritait pas. Même si sa carrière de mannequin était courte, je sais qu'elle nous a toujours donné le meilleur d'elle-même. Jamais je n'ai retrouvé une fille comme elle.